est tous prisonniers. On est tous prisonniers, du KUP à celui fauché. Genoux bien âgés, des chaînes impossibles à décrocher. On vit tous au crochet de ces prisons termes. La libération se symbolise par les chrysanthèmes. Nos vies sont conditionnées par ces prisons. Dans ce monde rare sont les choses que nous maîtrisons. Les secondes déferlent, les semaines s'enchaînent. Prisonnier l'homme, une sorte de spécimen s'enchaîne. Prisonnier du temps, comme dit Koto à chacun sonné. Passion faut profiter, sachant qu'un jour notre heure va sonner. Prisonnier de nos vies, la mort pour libération. Chaque jour nos chaînes se multiplient, une grande prolifération. Plus t'as rien à perdre, et plus t'es libre. On court après l'argent, mais seulement l'amour nous délivre. L'amour vrai, pas la possession qui nous limite. L'amour libère, mais combien de barrières l'amour abrite. Des gens qui s'aiment des fois font plus de mal que de bien. Prisonniers de leur haine et d'un tas de sentiments malsains. Pas de vaccin ni de médecin pour s'échapper de ce qu'on ressent. La plus grande prison réside dans nos têtes en réfléchissant. Combien sont libres dans ce monde? Réfléchis bien, on vit tous entourés de barrières sombres. On est tous prisonniers à petite ou grande échelle. On voudrait s'évader, bloqué par tant de chaînes. Que tu sois jeune, vieux, noir, blanc ou jaune. Ok, la vie est belle, mais peut devenir une grande geôle.